Tu t'y prendrais un avion. D'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu veux? Y'en a qui voudraient. Y'en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient voir refaire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient. Ceux qui s'en fichent et donneraient du plaisir, et de qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu m'aimeras jusqu'à demain.